Méditation du prana, un voyage vers l'énergie vitale. Bonjour et bienvenue à cette séance de méditation sur le prana. Installez-vous confortablement dans un endroit calme. Fermez les yeux et laissez votre corps se détendre. Commencez par prendre quelques respirations profondes, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Sentez la tranquillité envahir votre corps à chaque respiration. Prise de conscience du corps. Concentrez-vous maintenant sur votre corps. Sentez chaque partie de votre corps se détendre, en commençant par les pieds et en remontant jusqu'à la tête. Détendez vos pieds. Vos jambes, vos hanches, laissez cette sensation de relaxation monter le long de votre colonne vertébrale, détendant votre abdomen, votre poitrine, vos épaules, vos bras, et enfin votre cou et votre tête. Connexion au souffle. Portez maintenant votre attention sur votre souffle. Observez votre respiration sans chercher à la modifier. Sentez l'air entrer et sortir de vos narines. À chaque inspiration, imaginez que vous absorbez de l'énergie vitale, le prana. À chaque expiration, relâchez toutes les tensions et les pensées négatives. Visualisation du prana. Imaginez maintenant le prana, cette énergie vitale, comme une lumière dorée et brillante qui entre dans votre corps à chaque inspiration. Voyez cette lumière remplir votre corps de vitalité et de paix. À chaque expiration, imaginez que cette lumière élimine toute négativité et toute fatigue de votre corps et de votre esprit. Circulation du prana. Visualisez le prana circulant à travers votre corps. Imaginez cette lumière dorée se déplacer de votre tête à vos pieds, énergisant chaque cellule de votre corps. Sentez comment cette énergie réveille et revitalise chaque partie de vous-même. Expansion du prana. Portez maintenant votre attention sur votre cœur. Imaginez une sphère de lumière dorée se former au centre de votre poitrine. À chaque inspiration, voyez cette sphère grandir et rayonner davantage. À chaque expiration, laissez cette lumière s'étendre au-delà de votre corps, créant une aura de prana autour de vous. Fusion avec le prana universel. Imaginez que cette aura de prana se connecte avec l'énergie vitale de l'univers. Sentez que vous faites partie de cette énergie universelle, que vous êtes connecté à tout ce qui vous entoure. Ressentez cette union, cette fusion avec le prana universel, apportant une profonde sensation de paix et d'harmonie. Affirmation positive. Répétez mentalement les affirmations suivantes. Je suis une source infinie de prana. Mon corps est rempli de vitalité et de santé. Mon esprit est calme et serein. Je suis en harmonie avec l'énergie universelle. Retour à la conscience. Commencez doucement à ramener votre attention à votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Prenez conscience de votre corps, de son contact avec le sol ou la chaise. Commencez à bouger lentement vos doigts et vos orteils, en ramenant doucement votre conscience à l'instant présent. Quand vous vous sentez prêt, ouvrez doucement les yeux. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez, empli de prana et revitalisé. Portez cette énergie avec vous tout au long de votre journée. J'espère que cette méditation vous aidera à vous connecter profondément avec le prana et à en ressentir les bienfaits. Profitez de ce moment de tranquillité et de revitalisation.